FrenchPod.com. Voici votre plat, madame. Ce n'est pas assez cuit. Vous êtes sûre que c'est le mien ? Vous avez bien commandé un steak saignant ? Non, pas du tout. J'ai demandé à point. Toutes mes excuses. Nous allons le changer immédiatement. Merci. Je ne supporte vraiment pas la viande pas cuite.